que nous avions engagé avec la Russie, d'accord avec l'Angleterre, des conversations politiques et militaires. Et nous pensions qu'elles allaient aboutir heureusement lorsque, renversant brusquement sa politique et sa doctrine, la Russie a signé avec l'Allemagne un pacte qui lui permet de se dérober aux obligations que lui imposait la politique qu'elle a cependant toujours publiquement affirmées.